À propos de la réussite au 7e congrès du Parti du Travail de Corée, un rassemblement de célébration a eu lieu le 21 mai à Dhaka, Bangladesh. Y ont participé le secrétaire général du Parti Jatiya, le secrétaire du comité central du Parti ouvrier, le président du comité d'amitié et de solidarité Bangladesh-Corée et autres personnalités des partis politiques, des formations de différents milieux, des organisations d'études des études jetées et du domaine de la presse écrite et parlée. Les orateurs ont dit que la promotion de son Excellence Monsieur Kim Jong-un au poste de président du Parti du Travail de Corée est le reflet de la volonté et du vœu unanime du peuple coréen et de l'humanité progressiste. Ils ont affirmé que le Parti du Travail de Corée et le peuple coréen suivront fidèlement l'idée et la ligne précisée par son Excellence Monsieur Kim Jong-un au 7e congrès du parti pour triompher dans la lutte historique vers la victoire finale.